Chapitre 9e. En un éclair, Ikoteruka devina la vérité. L'homme inconnu qu'il avait entendu crier dans le puits, c'était Joachim de Meio. Les bandits qu'il avait rendus fous et emprisonnés s'étaient doutés que la police allait perquisitionner dans la maison de jeu, et pour couper court aux soupçons, ils avaient libéré leurs prisonniers. Ainsi, nul ne pouvait plus rien prouver contre eux. « Puisqu'on a retrouvé Joachim de Meio, monsieur le gouverneur, ma mission est à demi terminée, mais pas entièrement, » fit Ikoteruka. Il me reste maintenant à savoir comment Joachim de Meio est devenu fou et surtout comment, après plusieurs mois, il possède encore sur lui des pièces provenant de la cargaison de la jonque. « Je crois que cela sera bien difficile, sinon impossible, » observa le gouverneur de Macao. « Il n'y a rien d'impossible, monsieur le gouverneur. Pensez que, quoi qu'il soit arrivé, Joachim de Meio, même s'il est coupable, n'a pas exécuté son coup à lui tout seul. Ses complices sont à Macao. Ce sont les membres de la bande du Scorpion. Le Scorpion ? » s'écria le comte de Almeida, en sursautant. Quel Scorpion ? Je vous en dirai plus une autre fois, monsieur le comte. Pour l'instant, je vous prierai de me faire voir, si possible, le plan des égouts de Macao. Tout de suite, fit le gouverneur qui sonna. Un de ses aides de camp apparut, et sur son ordre, lui apporta le plan demandé par Ikoteruka. Voilà la clé de l'énigme, monsieur le gouverneur, fit le célèbre détective, après avoir rapidement consulté le plan. Regardez. Le grand égout passe sous la rua da Felicidade, où se trouve la maison de jeu de Afo. Ce grand égout débouche à la mer, sous le quai contre lequel était accostée la Santa Madre, la jonque qui contenait les 750 000 piastres, vous comprenez? Oui, un peu. Je devine que vous voulez dire que les caisses d'argent ont été jetées à la mer et que par le grand égout, elles ont été transportées dans la maison de Afo. Mais la jonque elle-même, comment a-t-elle disparu? Tout simplement en restant dans le port. Elle a été coulée. Je vois que la profondeur de l'eau à l'endroit où se trouvait la jonque est à près de 22 mètres. Tout s'explique donc. Si vous voulez, ce matin même, envoyez un scaphandrier. Vous verrez que je ne me trompe pas. C'est extraordinaire. Nous allons bien voir. Si vous voulez m'accompagner, monsieur Teruka. Je vous demanderai une minute, monsieur le gouverneur, le temps de changer ma physionomie. Il ne faut pas qu'on me reconnaisse, car mon enquête est loin d'être terminée. Et le grand détective japonais, après en avoir demandé la permission au comte de Almeida, se dévêtit, retourna ses habits, se colla une barbe postiche au menton, changea ses traits en quelques coups de crayon et fut complètement transformé. Si je ne vous avais pas vu opérer, monsieur Teruka, je ne croirais pas que vous êtes le même homme qui vient de me parler. C'est merveilleux, expliqua le haut fonctionnaire. Tandis que le grand détective changeait ainsi sa physionomie et son apparence, le gouverneur avait téléphoné à la direction du port. Il invita Ikoteruka à l'accompagner. Tous deux prirent place dans une automobile et en peu d'instants arrivèrent sur le quai le long duquel avait été accostée la Santa Madre. Une chaloupe, contenant une pompe à air, était déjà là. Un scaphandrier achevait de se préparer pour plonger. Il écouta les instructions que lui donna Ikoteruka, et ayant mis son casque de cuivre, se laissa descendre dans l'eau noire. Il remonta quelques minutes plus tard. « Le seigneur ne s'est pas trompé, » dit-il en désignant Ikoteruka. « Une jonque a coulé à moins de 40 mètres du quai, juste devant l'orifice du grand égout. »